belleza. He soñado de un sitio donde empezar y acabar su vida es la misma cosa. Donde este mundo y el otro son unos. Y los sollozos de pena son éxtasis. Un sitio donde las muchedumbres somnámbulas pasean sin ver, aunque tengan miradas múltiples, porque de gente en gente no se agota ni un rayo de luz. J'ai rêvé d'un lieu où finir et commencer sa vie sont une seule chose, où le monde et l'autre monde ne sont qu'un, et les sanglots de regret sont extase. Un lieu où les foules somnambules passent sans voir, en regardant de tous leurs yeux multiples, où d'innombrables générations n'épuisent pas un rayon de lumière. Allá, el paciente trabajo de humildes artesanos encuentra la libre obra de los dioses a la cita de los pájaros. Cuando gritan los lirios en la locura vegetal, cuando memorias y visiones se derraman hacia las cimas centellantes de las olas y no alcanzan a nada las palabras que se me huyen de la boca desde las salvas de hojarascas. Là-bas, le travail patient d'artisans obscurs s'élève jusqu'à l'œuvre libre, au rendez-vous des chants d'oiseaux, au cri des iris, dans la folie végétale où souvenirs et visions répandues telles les crêtes scintillantes des vagues ne disent que des mots qu'elles m'ont ravi des lèvres depuis les salves de feuillage. Le salut de résistance des choses disparues. El sobresalto de resistencia de las cosas desaparecidas.